بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة ومن تبع أثارهم تفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. On a pris dans le cours précédent Al-Adhiya, les invocations qui étaient relatives lorsqu'on veut rentrer dans les toilettes et lorsqu'on en sort. Et que ceci faisait partie des invocations qui sont très importantes. Surtout lorsqu'on pénètre dans les WC, ou bien, comme on a pu voir, kazalika selon la parole de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kazalika si jamais c'est fait à l'extérieur et qu'il va dans un coin pour faire ses besoins. Fait kazalika yustahab à cette personne-là d'évoquer cette invocation-là et ce dhikr, de dire Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te mette sous sa protection contre le mal des shayatins parmi les femmes et les hommes. Ça, c'est important dit d'un. On n'a pas la possibilité d'être sous la protection du mal de ces gens-là, excepté si Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Et il nous a donné des causes et des asbab pour cela. Surtout dans ces lieux-là, comme on a pu voir à travers le hadith qui est rapporté par Abu Dawud, radiyallahu ta'ala, que ces hammamat sont muhtadara, c'est-à-dire qu'elles sont remplies de shayatin. Pourquoi? Parce que c'est un lieu, comme on a pu voir, qui est exempt du rappel. Il ne convient pas aux musulmans d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans ces lieux-là qui sont impurs. Enfin, ils profitent de ce moment-là. Ils n'ont rien à la personne, surtout à celui qui rentrera sans avoir évoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a pu voir, le rajout de la basmala, bismillahi, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith, enfin, le rajout, il n'est pas authentique. Le rajout n'est pas authentique. Et des fois, par précipitation, on ne fait pas attention, inadvertance, on rajoute. Yani bismillah. On rajoute le bismillah. Or que le bismillah, c'est pas authentique. Enfin, on se contente de dire Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Et lorsqu'on sort, on dit Rufranak. On a pu voir, certains ils ont interprété cela, car le prophète, alayhi wa sallam, par modestie envers Allah subhanahu wa ta'ala et humilité, il a considéré le laps de temps qu'il a passé dans ces lieux-là comme étant un manquement au rappel d'Allah azza wa jal, car c'était celui qui évoquait le plus Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que min asma'ihi Ahmed est celui qui évoque énormément Allah azza wa jal. Fait il a considéré ceci comme un manquement. Donc il a demandé le pardon à Allah Azza wa Jal lorsqu'il sortait des toilettes. Certains ont interprété ceci comme cela. Rufranak. Et d'autres ils ont dit c'est parce que le bienfait qu'Allah Azza wa Jal a placé dans la digestion et dans l'évacuation des aliments, c'est un bienfait qui est énorme. Et dont beaucoup sont étourdis et insouciants. Et ne reconnaissent pas le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Surtout sur ce bienfait-là. Enfin, il a considéré ceci comme étant une erreur. Rufranak. Il y a certains hadiths qui sont venus et qui ne sont pas authentiques. J'avais oublié d'évoquer cela. Il y a le hadith qui est rapporté par Dharqutni rahimahullah ta'ala, sur Ibn Umar, radiallahu anhuma, annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man tawadda'a celui qui fait le wudu, faqala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Ou ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, celui qui, lorsqu'il finit le wudu, atteste des deux attestations. Qabla an yatakallam ghufira lahu ma bayna al-wudu'ayn. Il finit le wudu. Avant de prononcer une chose, il atteste par ces deux attestations-là. Il a évoqué qu'il sera pardonné ma bayna al-wudu'ayn. Le temps qu'il y aura entre les deux wudu, là il fait le wudu, et la prochaine fois qu'il fera le wudu, eh ben, entre ce temps-là, il sera pardonné. Lakin ce hadith est très faible. كذلك جاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى يوتر selon Anas ibn Malik رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء, celui qui fera bien parfaitement le wudu, c'est-à-dire trois fois, et qui le fait avec un cœur qui est présent, parce que dans le wudu il y a un grand mérite, c'est une grande expiation le wudu, c'est une grande expiation, comme on a pu voir dans le wudu il y a deux purifications, la purification des membres et la purification des cœurs. On va évoquer même une parole avant de, à mes revenus, là. Une parole, yani, Jamil a dit de l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui est relatif au wudu. Qui me dit, rahimahullah ta'ala, yani, dans ces termes-là, que le wudu, c'est une purification, yani, pour les membres. Et comme on a pu voir, purification aussi pour les cœurs, parce que lorsque tu finis, tu dis, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Enfin, il y a une purification des cœurs et la purification des membres. Et il nous évoque, rahimahullah ta'ala, que Allah azza wa jal, par sa sagesse, il n'a pas choisi ses membres, yani, comme cela, les membres à travers lesquels on fait le wudu. Le visage, les bras, les pieds, la tête. Parce qu'il dit, ce sont ces membres-là qui sont le plus exposés au péché. Pourquoi le wudu, il n'a pas été légiféré sur la cuisse? Pourquoi il n'a pas été légiféré sur les biceps? Pourquoi il n'a pas été légiféré dans le dos? Allah Azza wa Jal a légiféré le wudu sur des membres, yani, qui nous sont accessibles, qui sont simples, parce qu'Allah Azza wa Jal, son din, c'est une religion de facilité. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ. Cette religion-là est une simplicité. Enfin, il nous a donné des membres, il nous a légiféré le wudu sur des membres qui sont accessibles, et surtout parce que ces membres-là, ce sont les membres qui sont les plus exposés et qui entreprennent le plus le comment s'appelle le péché. La main, yani, peut donner et prendre le haram avec les yeux et regarde le visage dans lequel se trouvent les yeux. Il peut le diriger vers le haram. Kazalika, le goût, il peut rentrer dans sa bouche les choses qui sont haram, le nez, sentir des choses qui sont haram, comme c'est le cas de ceux qui se droguent et l'akhiré. Enfin, les oreilles, pareil, kazalika, il entend les choses qui sont haram. Les pieds se dirigent vers les choses qui sont haram. Fait, il y a une purification. Et il est venu dans le hadith de Amr ibn Abbas, radiallahu anhu, que lorsqu'on se purifie, lorsqu'on fait le wudu, Allah Azza wa Jal place à travers le wudu une expiation des péchés jusqu'à la dernière goutte du wudu. Lorsque tu rapproches l'eau pour te laver le visage, les narines, la bouche, tous les péchés que le visage aura entrepris seront expiés à partir du moment qu'il il s'est écarté des grands péchés, car les grands péchés sont un rempart contre l'expiation des œuvres méritoires. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, « In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an » L'expiation des péchés, s'il y a des grands kabiras, ça marchera pas. Allah Azza wa Jal a évoqué que les grands péchés, ce sont des remparts qui empêchent l'expiation des petits péchés. Enfin, les actes méritoires sont des expiations parce seulement qu'il n'y a pas les grands péchés. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants et les hadiths et les ayats, ils montrent bien cela. Et lorsqu'il va laver sa main, pareil, il sera pardonné de tous les péchés qu'il a entrepris à travers sa, par le biais de sa main jusqu'à la dernière goutte. Enfin, dans le wudu, il y a un grand mérite. Il y a une grande tahara. Dans le wudu, il y a une grande tahara. Et les mérites qui sont évoqués dans le wudu, c'est pour celui qui aura fait le wudu, comme yaqulun yani isbar le wudu, c'est-à-dire le mieux c'est de faire trois fois dans chaque membre, excepté la tête et les oreilles, qu'on ne fait qu'une fois. Le hadith il est venu trois fois, là qu'il n'est pas authentique. Et kadhalika, il le fait tout en se rappelant dans la faveur dans laquelle il est, c'est-à-dire qu'il est dans l'expiation. Allah Azza wa Jal lui a placé à travers le wudu une grande expiation, c'est-à-dire le fait, quand la goutte tombe, il sait que il considère comme ceci comme un péché qui vient de tomber. Enfin, celui-là, c'est lui qui aura les faveurs de le wudu. Pour ça qu'il a dit Ahsan al wudu. J'ai fait une annotation par rapport à ça, car la parole dans le hadith, man tawadda'a fa ahsan al wudu. Qu'est-ce que l'ihsan fil wudu? C'est l'ihsan dans le descriptif et c'est l'ihsan kazalika min haythu niyya, dans l'intention. Avec un ihdar, yani, c'est-à-dire que il est concentré lorsqu'il fait le wudu. C'est pas juste, yani, il est en train de se mouiller. Il est en train de faire une adoration qui est énorme, à travers laquelle il y a l'expiation des péchés. Qala man tawadda'a fa ahsan al wudu thumma qala thalath marrat, et il dit ensuite trois fois. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل. هذا الحديث لا il est pas authentique. Là c'est évoqué qu'il le dit trois fois. Le hadith qui est dans Muslim c'est juste une fois. Dans Ibn Majah et Ahmed c'est évoqué qu'il doit dire trois fois, il doit prononcer trois fois l'attestation. Enfin, si vous voyez ce hadith là, c'est pas un hadith qui est authentique. C'est un hadith qui est ضعيف. حتى الإمام النووي رحمه الله تعالى l'a évoqué dans Kitab al-Adhkar, afin de mettre en garde contre l'application de ce hadith-là. Dans le cours précédent, dans la précipitation, on n'a pas bien évoqué la mas'ala au niveau de certainement demander à travers le, les réseaux de réexpliquer un petit peu la mas'ala par rapport à la basmala. Comme j'avais évoqué, il y a un hadith qui est venu dans ces termes-là. La wudu liman lam yadhkur isma Allahi alayh. Celui qui n'évoque pas le nom d'Allah Azza wa Jalla, qui ne dit pas bismillah avant de faire le wudu, il n'a pas de wudu. Ah voilà, non, il faut savoir que ce hadith-là n'est pas authentique. Khilaf bayna al-ulama, lakin as-sahih, c'est que ce n'est pas authentique. Les ulama de l'époque de l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, ils ont évoqué que c'est un hadith qui n'est pas authentique. Al-imam Ahmed, al-imam al-Bukhari, Abu Zur'a, Abu Hatim, al-Bazzar, al-Uqayli, des grands a'imma, ils ont évoqué que le hadith n'est pas authentique. Enfin, c'est quoi le jugement de dire bismillah? C'est pour ça qu'il n'a pas évoqué ici. Il a juste évoqué l'invocation qu'on doit dire lorsqu'on finit le wudu. Lakin, lorsqu'on commence le wudu, doit-on dire bismillah amla? Khilaf bayn al-ulama. Par rapport à quoi ce hadith-là? Lakin, on sait que le hadith n'est pas authentique. Ce hadith-là n'est pas authentique. Hatta qala l'imam Ahmad, il a dit la yathbut fihi shay. Il n'y a pas de chose qui prouve cela. Certains ont dit que c'est une obligation. Ils ont pris le hadith et ils ont dit celui qui n'évoque pas Allah Azza wa Jalla lorsqu'il fait le wudu, son wudu il est batil. Ça c'est un avis d'une minorité ou d'une partie des ulama. La majorité des ulama voient que c'est mustahab de dire bismillah lorsque tu commences le wudu. Pas une obligation, laquelle c'est mustahab. Le troisième avis c'est celui d'Abu Hanifa qui dit que c'est mubah, c'est autorisé. Donc lui il se prononce pas sur le fait de dire que c'est mustahab parce qu'il faut un dalil qui montre qu'il y en a que c'est désirable de dire cela. Lakin, lui, il dit, il n'y a rien qui interdit et qui oblige. Donc, il dit, c'est autorisé. Si jamais tu le fais, il n'y a pas de mal. Et si tu le fais pas, il n'y a pas de mal. Le quatrième avis, c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah, qui lui est vraiment parti loin et a dit, celui qui prononce la basmala lorsqu'il fait l'ourdo, c'est une bid'a, c'est une innovation. Pourquoi? Parce qu'il a dit, nombreux sont les hadiths à travers lesquels les sahaba ont décrit le descriptif du wudu du prophète sans évoquer la basmala. Et les hadiths yani, concernant le wudu, ils sont nombreux. Et malgré cela, pas un seul est venu à évoquer que le prophète, personne n'a ramené un seul hadith prouvant qu'il faut dire bismillah. C'est pour ça qu'il est l'a jugé d'un avis qui est fort. Il a dit ceci est une bid'a. Son qawl, c'est un qawl qui est qawi, fil haqiqa. Parce que lorsqu'on se penche sur le sujet, on se dit, mais c'est vrai quand même. Le prophète, alayhi salam, il a énormément fait le wudu. Et même, mena sunnah, même si jamais t'as le wudu, tajdid le wudu lorsque la prière vient. Même si jamais t'as le wudu. Enfin, c'est bizarre quand même que pas un seul sahabi. Et ma'ruf, c'était des personnes qui étaient attachées à ce que la sunnah soit propagée. Malgré cela, personne n'a évoqué la basmala dans un hadith. C'est pour ça qu'il a dit ceci est une bid'a. Enfin, wallah alam, la parole qui me paraît la plus juste, c'est celle de Abu Hanifa et de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Parce qu'il n'y a pas un dalil qui prouve cela. Ceux qui ont dit que c'est mustahab, ils ont dit parce que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ma'rouf, yani lorsqu'il entreprenait les choses, il le disait par la basmala, lakin al-wudu, qui est une grande ibada, celle qu'Allah azza wa jalla a évoquée dans son kitab. Ya yuha allazina amanu, ila kuntum ila s-salah, farsinu ujuhakum wa idiyakum. إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Malgré cela, il n'y a pas la basmala qui a été évoquée dans un hadith. Enfin, c'est un peu, yani ça laisse à réfléchir, franchement. L'avis de l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, ce sont deux avis qui sont vraiment qawi. Le premier avis que c'est une obligation, ça c'est un avis c'est le plus faible des avis. Wallahu a'lam. Donc ça c'est peut-être pour les personnes qui m'ont demandé de répétez, je pense, inchallah, que ça a été clair. Tamqa rahimahullah ta'ala qala babu ma yaqul 'inda dukhul al-masjid wal khuruj min. Madha yaqul 'inda dukhul al-masjid wal khuruj min. Al-an il nous évoque yani la doua qu'il faut dire lorsqu'on rentre à la mosquée. Lakin avant de rentrer à la mosquée, lorsqu'on sort de chez nous pour se rendre à la mosquée, il y a une doua aussi à dire. Une doua qui est propre à notre, lorsqu'on se dirige à la mosquée. On a pu voir lorsqu'on sort de chez nous, on a la possibilité soit de dire, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, ça c'est qu'on sorte qu'on va à la mosquée ou qu'on aille au marché ou qu'on aille au marquès pour apprendre quel que soit l'endroit, lorsqu'on sort de chez nous. Ou alors qu'on dit, اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأزل وأظلم وأظلم وأجهل ويجهل علي. Comme on avait pu voir, ça c'est ce qu'on dit lorsqu'on sort. Lorsqu'on se rend à la mosquée, est-ce qu'il y a une invocation qui est propre à cela? Na'am. Le hadith rabata عند l'imam muslim rahimahullah ta'ala. C'est pour ça qu'avant d'évoquer, qu'est-ce qu'on doit dire lorsqu'on rentre à la mosquée? Il est bon de savoir qu'est-ce qu'on doit dire lorsqu'on se rend, il y en a spécifiquement à la mosquée. Le hadith, on avait évoqué une partie, le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui avait dormi chez Maymouna, qui est sa tante, radiallahu anha, et il avait vu le prophète, alayhi wa sallam, se lever, ensuite essuyer la fatigue de son visage, se lever, comment ça s'appelle, il avait fait le wudu, et ensuite il avait fait ce dhikr-là. Ensuite il a prié, il a dormi, et il nous évoque Ibn Abbas, radiallahu anhu, donc ensuite il dit, qala, thumma kharaja ila salah. Et ensuite il est parti, yani, après que Bilal a fait l'adhan, et il a prié, sunnat al-fajr, قال ثم خرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطيني نورا. هذا حديث عظيم apporté par l'imam Muslim رحمه الله que le prophète عليه الصلاة والسلام ça lui arrivait de dire. Le hadith, wallahu alam, ne montre pas que c'était une habitude. Lakin, il a déjà dit. Donc, c'est légiféré de le dire. Parce qu'il n'a pas dit wa kana. Lakin, là, il a évoqué wa kharaja wa huwa yaqul. Lorsqu'il est sorti, il a dit. Mais si jamais ça aurait été évoqué kana, ça aurait été beaucoup plus fort. Parce que ça a le sens de, c'est devenu une habitude, quoi. Enfin, c'est une chose qui est légiférée, qui est une sunna. Qui disait, ô Seigneur, Allahumma, ija'al fi qalbi nura, mets dans mon cœur de la lumière. وَفِلِسَانِ نُوَرَ sur ma langue de la lumière. وَجَعَلْ فِي سَمْعِ نُوَرَ dans mes oreilles de la lumière. وَجَعَلْ فِي بَصَارِ نُوَرَ dans ma vue, dans mes yeux de la lumière. وَجَعَلْ مِنْ خَلْفِ نُوَرَ place derrière moi de la lumière. وَمِنْ أَمَامِ نُوَرَ devant moi de la lumière. وَجَعَلْ مِنْ فَوْقِ نُوَرَ mets au-dessus de moi la lumière. وَمِنْ تَحْتِ نُوَرَ en dessous de moi la lumière. قَالَ اللَّهُمَّ أَعْطِينِي نُوَرَ et Allah donne-moi une lumière. الشيخ العثيمي رحمه الله تعالى dans le شرح de ce hadith là donc le troisième volume la page 116 il évoque رحمه الله تعالى قال والمراد به بيان الحق وضياؤه والهداية إليه. Qu'est-ce que le prophète عليه الصلاة والسلام a voulu à travers ce hadith là, à travers ces paroles là, à travers cette demande là, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui éclaire la vérité, qu'Allah عز وجل lui éclaire la vérité, le chemin de la vérité, et qu'il le guide vers la vérité. Que ses oreilles soient guidées vers la vérité. Plutôt que son cœur soit guidé vers la vérité, qu'il patiente sur la vérité. Sa langue, kadaleka. Il y en a tous les membres qui ont été évoqués, que Allah Azzawajal leur éclaircit la vérité, dans l'obscurité des péchés, dans l'obscurité des choubhas, des ambiguïtés. Qu'Allah Azzawajal lui donne la lumière, nous donne la lumière, afin que lorsque se présentent ces obscurités, parmi les choubhas, les ambiguïtés et les péchés, ce soit une lumière à travers laquelle on s'éclaire et on ne se perd pas, ou on ne tombe pas, ou bien, yani on se nuit à nous-mêmes. Enfin, on a la lumière. Même si c'est obscur, on a la lumière afin de s'en sortir. C'est un hadith qui est azim jiddan. قال بعد ذلك قال فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته. Il a demandé à Allah Azza wa Jal qu'il lui place la lumière dans tous ses membres, dans son corps, dans son attitude, dans ses déplacements. Dans toutes ces situations. قَالَ فِي جِهَاتِهِ أَسِتْ et qu'Allah Azza wa Jal lui place la lumière dans les six directions. Pourquoi? قَالَ حَتَّى لَا يَزِيرْ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَمْ afin qu'il ne soit pas égaré. Afin qu'il ne glisse pas. Quel que soit le mouvement qu'il fait, quel que soit le déplacement qu'il fait, eh ben, il est dans la lumière. C'est pour ça qu'il a demandé qu'Allah Azza wa Jal lui mette là, qu'il soit entouré de lumière. Qu'il soit entouré de lumière, ou qu'il fasse quel mouvement n'importe quelle gesticulation, soit dans la lumière, soit dans l'agrément d'Allah. Jalla wa ala. C'est un hadith qui est azim jiddan. C'est demander le tawfiq dans tout ce qu'on fait. Que ce soit dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos actes, dans nos manières de nous comporter, dans tout. Dans nos intentions. Qala wa fi qalbi. C'est un hadith azim, azim jiddan. Que même si jamais tu le prends pour implorer Allah azza wa jalla dans sujoud, jayyid jiddan. ثم قال رحمه الله تعالى قال هذا دعاء عظيم نعم سين غندها سين إن فوكاسيون كي إنام قال وهذا الدعاء العظيم الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم اجعل في قلب نورا قال نورا معنويا يبصر به الحق. Il a évoqué ensuite après aussi, il a dit cette grande invocation à travers laquelle le prophète a demandé à Allah Azza wa Jalla, le prophète صلى الله عليه وسلم a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qui place de la lumière dans son cœur afin, il a dit le ce qui est voulu par la lumière c'est une lumière qui est abstraite, c'est pas une lumière concrète, il y a une abstraite, celle qui va lui permettre d'être clairvoyant dans ses intentions, dans son tawakkul, dans sa crainte, dans son espérance, dans tout ce qui est relatif aux œuvres du cœur. Qala wa fi basari nura, et dans sa vue de la lumière, ma'nawiyan kadhalika, afin qu'il a des phares, il voit le munkar de très loin, il s'en écarte, il attend pas que le munkar devienne devant sa porte, très très loin, il voit les choses yani avant qu'elles arrivent, il sent venir les choses. Qala hatta yara al-munkar munkara kadhalika wal ma'ruf ma'rufan, jusqu'à ce que les choses, afin que les choses ne l'atteignent pas, qu'ils reconnaissent et considèrent ce qui est réprimandable comme réprimandable, et ce qui est convenable comme convenable. Parce que ça, c'est la mort des cœurs, et c'est la, l'égarement des cœurs. Comme l'a dit Hudhayfa ibn al-Yaman, « قَالَ إِنَّ الضَّلَالَ حَقَّ الضَّلَالَ » L'égarement, le véritable égarement, « أَن تَعْرِفَ مَا كُنْتَ تُنْكِرَ » Que tu considères convenable une chose que tu vois réprimandable. Et que tu réprimandes une chose que tu vois convenable. Et ça, c'est la mort des cœurs. C'est-à-dire que là, t'es dans l'obscurité. T'as plus la lumière dans les yeux. Là, t'es aveuglé. Même si jamais tu vois, t'es aveuglé. T'as des yeux, lakin, qui ne servent à rien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum a'yun la yubsiruna biha. Ils ont des yeux, ils voient, ils entendent, ils voient le Coran, ils voient les preuves à travers les signes universels à travers les cieux, la terre, les shams ou le qamar, ce sont des grands signes. Lakin qui ne rajoute rien dans leur cœur, dans l'insouciance, et ça ne leur rajoute rien. Enfin, l'insan, le musulman, Allah Azza wa Jalla lui met la basira. Et il demande à Allah Azza wa Jalla que ces choses-là perdurent, qu'elles restent. Et ça passe par le fait de demander cette grande dua-là. Qu'Allah Azza wa Jalla met la lumière et qu'il rajoute en lumière. Afin que les choses ne se retournent pas. Tanqalib. تنعكس الأمور. قال وكذلك في السمع نورا لا ممشوس. قال فسأل هذه الثلاثة لأنها مدارك العلوم والعقل. Il a demandé à Allah عز وجل de la lumière dans ces trois membres-là, le cœur, la vue et lui, parce qu'il dit ce sont les choses à travers lesquelles on reçoit les enseignements et on raisonne. Le cœur, la vue, lui, ce sont des choses par lesquelles on reçoit les enseignements. Et qu'à les cas, on raisonne. Enfin, si jamais ils sont dans l'obscurité, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de science qui rentre. قَالَ فِي الْبَاقِي سَأَلَ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ تَعَالَ أَنْ يَجَعَلْ مُحَاطًا بِالنُّورِ مِنْ كُلِّ جِهَانَ. Et après, il a évoqué à peu près la même parole. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ. On dit toujours la parole de الشيخ العثيمين رحمه الله. الإمام العظيم. قَالَ وَقَالَ فِي آخِرِهَا وَجَعَلْ لِي نُورًا فِدُمْوَئِ اللُّمِيَرَ. قَالَ فِي بَعْدِ الرِّوَايَةِ dans d'autres versions, وَجَعَلْنِي. La première, waja'alli, et donne-moi, qala waja'alni, fais de moi. Qala waja'alni nuran, ay manaran, fais de moi une lumière. Yuhtada bi ghayri, afin que je sois un exemple pour les autres. Que j'éblouis les autres. Que j'éclaire les autres. C'est-à-dire qu'il soit quelqu'un qui réforme. Qu'il soit un exemple. Que ce soit à travers ses paroles, ou bien à travers son attitude, à travers son comportement. Juste à travers le comportement, les gens profitent de lui. Il a demandé comme un qala subhanahu wa ta'ala, comme un qala subhanahu wa ta'ala, hikayatan an Isa, wa ja'alni mubarakan, aina ma kuntu. Fais de moi une personne bénie. Où que je sois. Ça, c'est une dua qui est azim jiddan. Et la deuxième explication, c'est de Cheikh Al-Uthaymin, elle est dans l'explication d'Al-Bukhari. Dans le 8e mujallad, 8e volume, la page, à partir de la page 157. Enfin, ça, c'est une dua qu'on doit dire avant de rentrer à la mosquée. Lorsqu'on sort de nos maisons pour nous rendre à la mosquée. Allahumma ja'alni, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa ja'al fi sam'i nura, wa ja'al fi basari nura, wa ja'al min khalfi nura, wa min amami nura, wa ja'al min fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Donc, avec l'explication, c'est beaucoup plus simple à retenir. On sait qu'il a demandé au début trois choses qui sont relatives aux trois des membres à travers lesquels on cerne les choses, à travers lesquels on reçoit les enseignements et on raisonne. Le cœur, lui, al-lisan kadhalika. La bidal al-lisan. اللسان il a oublié d'évoquer. Il a évoqué dans la charte de Bukhari al-qalb, al-sam' wa al-basar. كذلك اللسان. C'est quatre choses. Il a demandé quatre choses au début, qui sont relatifs aux membres par lesquels on reçoit les enseignements et on raisonne. Et ensuite, il a demandé que la lumière yani, le cerne de tous les côtés. فَسِنْ دَعَكَ عَذِمْ جِدًا comme l'a dit l'imam al-Rasim رحمه الله تعالى. قال رحمه الله قال باب ما يقوله عند الدخول المسجد والخروج منه. الآن نعم. الآن نتعلم. Qu'est-ce qu'on doit dire lorsqu'on rentre à la mosquée? Après qu'on a su, qu'est-ce qu'on doit dire lorsqu'on se rend à la mosquée? قال يقول عند الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Et il dit lorsqu'il rentre à la mosquée, اللهم افتح لي. Ô Seigneur, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et le hadith il est authentique rapporté par l'imam Muslim رحمه الله تعالى. Et كذلك من الدعاء qui est ثابت أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Je prends le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala l'immense. بوجهه الكريم, par le biais de son visage généreux. الكريم, الوجه هنا, certains ont évoqué que c'est الذات. C'est pas le visage. Là, il y a certaines personnes parmi ceux qui donnent les explications dans le hadith qui ont une aqida qui est نعم التمشحر أشعريين qui n'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala le qualificatif du visage. Donc ils vont venir et interpréter. Donc là, il n'y a pas de mal à dire, il n'y a rien qui empêche de dire que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah azza wa jal par le biais, ça s'appelle at-tawassul, par le biais du fait d'avoir évoqué son visage. Par le biais d'avoir évoqué son visage, ça s'appelle at-tawassul. Et par la haqida saine que j'ai vis-à-vis du visage que tu t'es attribué comme il te convient. Et personne ne te ressemble dans tous tes attributs. Ça m'empêche rien du tout. قَالَ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ السُلْطَانَ هَوَنَا وَالْعَلَمْ la puissance. مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ contre le shaitan الرَّجِيم. Et ce hadith-là, il est rapporté par Dawoud, Abu Dawoud plutôt, et il est authentique. Authentifié par les deux cheikhs de notre époque, Cheikh Mokbel et Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhima. Et il est évoqué à la fin du hadith que celui qui dit cette dua-là, la deuxième, أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فإذا قال ذلك سيدي سلا قال الشيطان حفظ مني السائر اليوم. Si jamais il évoque cette dua-là, qui est énorme, qu'on prononce lorsqu'on rentre à la mosquée, il dit cette personne-là est sous la protection pour la journée. Pour la journée, cette personne-là est sous la protection. Je ne peux ne nuire. Je peux nuire à cette personne-là. Et ça, c'est une dua kazalika qui est azim jiddan. On prend le refuge auprès d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Avec la aqida saine qu'on a, par le biais de cette aqida, on demande à Allah azza wa jalla l'immense vis-à-vis du visage qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué. Et de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est un qualificatif dont Allah azza wa jalla n'a cessé d'être qualifié. Al-Qadim, c'est-à-dire Allah azza wa jalla n'a cessé d'être qualifié par cet immense qualificatif. Min ash-shaytan ar-rajim. Fa'ana ila on évoque al-karama. Tam a'oudhu billahi al-'azim. Pourquoi je prends refuge auprès d'Allah? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le plus grand. Allah azza wa jalla c'est al-qawi. Allah azza wa jalla c'est le matin. Donc yani je prends le refuge auprès de ce qui est plus fort, de ce qui est plus immense, de ce qui est le plus rassurant pour moi et plus protecteur pour moi, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Nul en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est immense et l'akhiri. Bi wajhi al-karim, certains ont évoqué, et bi karamihi, parce qu'Allah azadel, il est généreux. Allah azadel, il est immense, et kadalika, il est généreux. Parce que t'as des personnes qui ont une force, mais qui sont pas généreux, qui sont radins, qui sont avares. Allah azadel, il est immense, il est puissant, et avec sa puissance, il est généreux. C'est pour ça que je prends la protection auprès de lui. Car il est généreux. Il va me donner ce que je lui demande. Wa sultanihi al-qadim, et sa puissance dans laquelle il n'a cessé d'être qualifié. Donc, je prends la protection. Je ne peux que prendre la protection auprès d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Contre le mal dont je recherche la protection. Parce qu'il est généreux et il est puissant, subhanahu wa ta'ala. Donc, il va me donner et il va me protéger. Et personne en dehors de lui ne peut me donner cette protection tel qu'Allah Azza wa Jal. Min ash-shaytan ar-rajim, contre l'ennemi déclaré. Celui qui a juré par Allah Azza wa Jal qui va faire tout pour détourner la descendance d'Adam. il va tout faire pour les détourner. Enfin, comme on a pu voir, la hawla wala quwwata illa billah. On parle même pas de se protéger, de cligner l'œil, c'est tout. Sans qu'Allah Azza wa Jalla nous donne la volonté de pouvoir le faire et nous, nous donne la possibilité de le faire. Enfin, on dépend d'Allah Azza wa Jalla. On peut rien faire sans Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a pu voir, lorsque tu prends la protection auprès d'Allah, contre Shaitan, Shaitan il se fait tout petit. Ah, mais si jamais tu veux toi-même combattre par ton intelligence ou par les attributs qui t'ont été donnés, fais ça, tu cours à ta perte. Parce qu'il va dire, bi'izzati, là, il va rentrer dans la confrontation avec toi. Bi'izzati, amma, si jamais tu dis bismillah, t'évoques Allah, a'udhu billah, t'évoques Allah. Il se fait tout petit, hatta yakuna kal adh-dhabab, comme l'a dit le hadith. Comme on a pu voir lorsque la personne qui était derrière le prophète, alayhi salatu wasalam, il y a une monture qui est tombée, et il a dit, ta'is à shaitan. Malheur à shaitan, le prophète lui a dit, non, ne dis pas cela. Lorsque tu dis ta'is à shaitan, shaitan, il se gonfle au point de devenir comme un immeuble. Lakin dit, bismillah. Parce que lorsque tu évoques Allah, le shaitan se fait tout petit, au point de devenir une mouche. On a pu voir le hadith, il est authentifié. Enfin, on n'a pas la possibilité de se protéger si Allah Azza wa Jalla ne la donne pas. Dans le premier, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans la rahma. Lorsque tu rentres dans la mosquée, tu rentres dans la rahmat Allah Azza wa Jalla. Parce que ce sont quoi? Les lieux qui sont les plus humains près d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ahabbu al-biqa' ila Allah masajiduha. Les lieux les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les mosquées. Wa abghadu al-biqa' ila Allah azza wa jalla, n'am aswaqha. Et les lieux les plus détestés auprès d'Allah, ce sont les marchés. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. Donc on rentre dans les lieux qui sont les plus aimés auprès d'Allah. Dans ces lieux dont Allah azza wa jalla a ordonné et recommandé qu'ils soient édifiés afin de évoquer son nom, fi buyutin adhina Allah an turfa'a wa yuzkara fihi ismuhu yusabbihu lahu fiha bil'udu wal-arsal. Des lieux dans lesquels le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué. Ce sont des lieux saints. Ce sont des lieux qui sont immenses. Ce sont des lieux dont Allah azza wa jalla, à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala place une ombre pour celui qui aura le cœur accroché à ces mosquées-là. On demande à Allah azza wa jalla, yarfa'an al-bala, qui lève sur nous cette épreuve-là qui nous a empêché de pouvoir profiter de ces masajid. Man kana qalbuhu mu'alliqan bil masjid, celui qui a le cœur lié au masjid, Yawm al-Qiyamah, il est sous la protection d'Allah. Yawm al-Qiyamah, il est sous... Yawm al-Qiyamah, il est sous... Il est sous Zil al-Rahman. Il est sous Zil al-Arsh al-Rahman. Il est sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où tout le monde sera présenté nu, sans vêtements, sans chaussures, sans rien, et les shams fokaru aussi, le soleil au-dessus des têtes. Certains seront noyés par leur sueur. Et c'est un yom azim, 50 000 années à patienter. Wallahi, tahta shams, tu peux pas patienter 5 minutes. 50 000 années, le soleil au-dessus de ta tête. Si jamais il n'y a pas le nombre du trône d'Allah et Azza wa Jal, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Enfin, celui qui a le qalb, le cœur, qui est lié à ces mosquées-là, Allah Azza wa Jal va le mettre sous l'ombre du trône, yawm al-qiyamah. Comme il y a dans le hadith, al-muttafiq alayh, sab'atun yudhilluhum Allah, fi dhillihi. Et ce qui est voulu ici, c'est dhil arshi, comme dans l'autre hadith de l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, que la personne qui donne un délai à celui qui a une dette, Allah Azza wa Jal va le mettre sous Dhil arshihi, il va le mettre sous l'ombre du trône. Ce qui est voulu par l'ombre, grand khilaf bayna al-ulama, est-ce que c'est l'ombre d'Allah? Est-ce que c'est le trône? C'est le trône, as-sahih, comme l'a évoqué Cheikh al-Uthaymeen, parce que une ombre ne peut venir que si jamais tu retrouves le soleil au-dessus, et rien au-dessus d'Allah, ya Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal n'est pas qualifié par l'ombre. Et ce qui est voulu, c'est l'ombre du arsh, l'ombre du trône. Fa il est sous cette protection azim jiddan yawm al-qiyamah, ce jour où rien ne pourra te préserver de la shidda, de la difficulté de ce jour, ni mal wala banoun, ni argent, ni descendance, excepté celui qui aura fait les causes et pour se préserver de la difficulté énorme de ce jour-là. Et parmi ces causes-là, le fait d'avoir le cœur lié à ces masajid qui sont des rahmah. C'est un rahmah pour toi, fille, ad-dunya, tu es préservé d'énormes chars, d'énormes animaux dans la vie d'ici-bas. Celui qui reste dans les mosquées, il est préservé des marchés, il est préservé du mal des gens, la musique qui... Il y a le char que tu peux entendre dans les rues, il est préservé. Celui qui est dans les mosquées, il lit le kitab d'Allah. Ou bien il prie, ou bien il fait des dhikr. Il est lié à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la rahma qui s'ouvre. Parce qu'il rentre dans les lieux où l'obéissance elle est observée. Et Allah azza wa jalla a dit « Wa ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun » Obéissez à Allah et azza wa jalla et à son messager, ainsi miséricorde vous sera faite. C'est pour ça qu'il a évoqué que « Abwab al-masjid » c'est une rahma. Pourquoi? Parce que c'est des lieux d'obéissance. Et dans l'obéissance, il y a la rahma. Et la rahma pour toi, parce que tu n'es pas jahil. Donc tu ne te fais pas du mal. Et tu ne fais pas kadhalika du mal aux autres. Fais ta rahim ala nafsik. Et kadhalika ta rahim ala ghayrik. Tu es doux kadhalika envers les autres, parce que tu vas éviter de faire du mal. Tu vas donner le droit à chaque personne. Fais l'obéissance, c'est la rahma. Et parmi ces causes-là, le fait de rester dans ces lieux où l'obéissance est observée, qui sont les masajid. Des lieux de rahmah. Nasallahu azza wa jalla yarfa'ana al-bala hatta qu'on puisse profiter de ces masajid. Wallahi qu'il nous manque énormément. On prend le dernier hadith, inshallah. Qala, dukhul al-masjid wa khuruj min. Qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il doit sortir de la mosquée? Qala, inda al-khuruj yaqul, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Au Seigneur, je demande ta faveur. Et le hadith, il est rapporté par Muslim, rahimahullah ta'ala, et hadith authentique. Fait lorsqu'on sort, on demande la faveur d'Allah et Azza wa Jal. Parce qu'on sort soit pour une activité qui est mondaine. Donc tu demandes la faveur à Allah Azza wa Jal à travers cette activité-là, qui est la baraka. Ou bien on sort pour se rendre à une autre activité qui est religieuse, tu demandes la faveur d'Allah Azza wa Jal afin que tu puisses profiter de cette faveur-là. Ou alors tu vas rencontrer des gens, tu vas fréquenter des amis. Et kazalik, tu vas passer du bon temps avec eux. Donc tu demandes la faveur d'Allah Azza wa Jal afin que ce soit une rencontre qui est remplie de khair, qui est rempli de faveur. Tu demandes la faveur d'Allah Azza wa Jal lorsque tu sors, et tu demandes la rahmah lorsque tu rentres. Parce que tu vas t'adonner à des activités, donc il faut qu'Allah Azza wa Jal te donne sa faveur, et lorsque tu rentres, ce sont des lieux qui sont destinés pour l'obéissance. C'est pour ça qu'on demande qu'Allah nous ouvre, nous facilite de pouvoir appliquer l'obéissance dans ces lieux saints. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana wa iyyakum bima sami'na وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك